Jean-Charles, c'est CKRL nous propose le vendredi 31 décembre 2010 à 16h jusqu'au samedi 1er janvier 2011 à 6h, adieu 2010, salut 2011, avec le pit, là, tu sais, celui qui change les chapitres radiophoniques, l'itinérant engagé Renan Gagné, mais oui, directement de CKRL, Jean-Charles, faut pas manquer ça.